J'ai hâte de vous lire tantôt sur vos réactions. On a continué de jaser de ça en dehors des ondes. Nous autres, l'entrevue avec Adrien Pouliot, chef du Parti conservateur, que vous pouvez lire régulièrement. Il y a des entrevues. On parle de lui dans le Journal de Québec, dans Le Soleil. Il a été invité par Guillaume Lepage. On l'a entendu à Radio-Canada et à Télé-Québec aussi, dans le show de Marie-France Bazot. Pourquoi vous riez? Pourquoi tu ris, toi? J'ai rêvé à ça. Ouais, non, ça c'est Jean-Martin Aussan, le séparatiste là, qui a 1% des voix là. C'est lui qu'on a invité partout, puis Kadir, puis David, puis bon ouais. Pouliot, ça va être tough. Fait que si on veut que ça se propage, ces idées-là, faut en parler. Si t'es pas, ça marche demain. T'as barouette, les courriels sont bien rentrés, je vais te dire. Pour vrai là? Je sais pas, mais juste moi, je suis dans les détails là. J'arrive de la salle de bain. Puis là, j'arrive pour regarder les courriels, puis. Je te dirais une douzaine au moins, là. Paf, de même, là? Oui, oui. Ouais, c'est écoute. Non, je suis content. Je veux savoir, là. Je me suis auto-critiqué aussi là-dedans. Je parle de la droite. Je pense que ça fait trop longtemps, José, qu'on parle des problèmes du Québec. Les gens commencent à le savoir. Notre gang, ça, les gens ont faim de solutions. Ont faim de... L'avenir du Québec, ça serait quoi? Ben ouais, t'arrêtes pas de rentrer, veux-tu t'en lises un peu ou... Go. Est-ce que je fasse la météo les en premier ou... Météo, puis lis des courriels. On va aller au téléphone un peu. Gaëtan veut nous jaser. Go, après ça, José, je te laisse le temps de lire tout ça. Allô, Gaëtan? Oui, bonjour. Je vous écoute. Ben, j'ai trouvé ça le fun d'entendre M. Pouliot parler. Je trouve que finalement... C'est une belle opposition qui amène. Conserver, pour moi, c'est progresser, puis je trouve qu'il y a une façon de l'amener... En fait, c'est innovant, puis c'est stimulant, comme tu dis, pour la liberté. Tu sais, à un moment donné, moi, je peux vous comprendre, là, puis là-dedans, là, je me mets dans le bateau, dans le bain, là. Tu te lèves à tous les matins, puis t'entends dire qu'il va mouiller, qu'il va mouiller, qu'il va mouiller. À un moment donné, t'as le goût qu'il y a quelqu'un qui te vende un parapluie, là. Exact. T'as le goût que quelqu'un qui te dise, « Gabin, là, voici ce qu'on va faire. On va arrêter de le dire qu'il mouille, là. » Puis on va dire, on va se battre avec des solutions. Je pense qu'on est rendu là au Québec, moi. Puis en même temps, tu vois, par rapport à PKP, puis tout ce qui a été dit à l'équipe, par rapport à l'équipe de hockey, moi, je dis que la meilleure solution, ça serait de recruter dans le junior au complet. Comme ça, on aurait des salaires bas, puis on aurait notre équipe à nous. Peut-être, salut Gaëtan, peut-être. Je pense pas que... On irait loin que ça. Courriel, José, vas-y, je t'écoute. Oui, là, je suis en train de regarder à d'autres endroits en même temps. Je pensais qu'on prendrait plus d'appels. En général, là, je te dirais que ce qui en ressort le plus, c'est que les gens, c'est de la musique à leurs oreilles, mais ils se demandent si les bottines vont suivre les babines. Parce que c'est vraiment, c'est comme si on était un petit peu échaudé, entre autres, avec M. Legault. Puis là, les gens se demandent si ça va être possible de mettre en place tout ce bel idéal-là. Tu comprends? Je vais te lire, entre autres, là, le message de Jean. Il dit, évidemment que c'est séduisant, c'est le GBS gros bon sang, mais aux yeux de ceux qui contrôlent cette province, c'est de la GBS grosse bullshit. Charest voulait amorcer une réingénierie au sein de l'administration publique. On voit ce qui s'est passé. Le désordre social majeur le fait reculer, etc. Bref, changer ce modèle est un suicide politique avant même qu'il ne soit commencé. Ça, c'est la crainte. Mais ouais. D'un autre côté, on dit, enfin de nouvelles idées, mais d'accord, il faut changer le nom du parti. Le nom fait peur, ça c'est un autre auditeur. On va l'associer à Stephen Harper et les autres partis ne manqueront pas de faire la relation. Il aurait probablement mon vote. Ensuite, on a quelqu'un qui dit oui, il est bon, il a des bonnes idées, mais le problème c'est que le monde qui écoute votre station sont en général d'accord avec ses idées. Ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup de péquistes qui vous écoutent et qui vont changer d'idée en écoutant Monsieur Pouliot, même si vous l'invitiez chaque jour. Dans le fond, c'est ce qui est capable de transcender la ville de Québec. Oui, mais il faut qu'il passe par-dessus les médias biaisés, via les médias sociaux. Faut qu'il rejoigne le reste du monde. Faut qu'il profite des tribunes. Il y en a quand même un peu des tribunes de droite au Québec. Go! Parce que c'est sûr qu'il n'y aura pas de break. Je l'ai dit en ironie tantôt, là. Je verrai pas une page sur lui dans aucun journal demain, là. Et je me souviens même pas s'ils ont mentionné son nom quelque part. On a Vincent. Dis-moi, je suis bachelier en marketing. Adrien Pouliot doit changer le nom de son parti. C'est primordial. Les Québécois ne sont pas tous au courant des idées des partis. Conservateurs fédéraux sont en bas de 15% au Québec. Trop de gens vont faire le lien et pas voter pour lui juste à cause de ça. Il y a Québec nouveau. Nouveau Québec. Parti Nouveau Québec. C'est ça, c'est comme ça qu'il faut que ça s'appelle. Nouveau Québec. Ben oui. De quoi de même, là? Oui. Marche-tu, ça? Oui, Nouveau j'aime Québec. Ça. J'embarque, moi, là-dedans. Ouais. Donc, ensuite, on a Annie qui a dit, j'adore son discours, comme tout politicien, beau discours, mais est-ce que les bottines suivront les babines? Il me fait penser à François Legault. Super entrevue. Ça, on a eu beaucoup à réinviter. Maintenant, on a Jade. Wow, j'adore, je vote pour lui à 100 000 à l'heure. Un vrai révolutionnaire comme le Québec en a besoin. J'ai seulement peur que les moutons que le gouvernement a fait de nous refusent autant de changements qui seraient pourtant tellement bénéfiques pour nous. C'est la grande, grande, grande question. Au-delà des médias, au-delà de tout, les Québécois sont-ils rendus Le gouvernement là, a fait de nous des êtres dociles. On s'occupe de nous, même si ça va mal. T'sais, oublie pas, là. Je connais aucun peuple au monde qui attend plus de 48 heures à l'urgence sans se rebeller, là. En France, il y a actuellement une crise dans les urgences. Il en parlait dans les journaux en fin de semaine. Il y a des fois qu'ils attendent 2-3 heures. Des fois 4. Il y a un scandale. Puis en Europe, j'avais déjà fait le tour, là. Quand ça dépasse une heure, on est rendu à 48, puis on se plaint même pas, là. Alors, on est-tu prêt, là, à se lancer dans le vide, à voter pour quelqu'un de nouveau, à essayer, oublie pas que pendant toute la campagne de Pouliot, s'il veut se présenter comme PM et qu'un nouveau parti, les syndicats, les gauchistes et les gardiens de la Révolution vont dire toujours ceci. Il va mettre le Québec à feu et à sang, ça va être la fin, les hôpitaux vont fermer, la démagogie, ça va être total. Parce qu'eux autres vont se battre parce que c'est une caste de privilégiés. Il y en a pour qui le modèle québécois est extrêmement payant. Ces gens-là vont se battre jusqu'à le dernier souffle pour garder leur privilège de caste. OK? C'est leur caste, c'est leur gamin. Ils vont se battre en démagogie totale. Ils vont dire, ça va être la fin, les hôpitaux, vous allez payer pour tout. Il n'y aura plus rien de gratuit, comme s'il y avait déjà de quoi de gratuit. Maudit. Tout a un prix, voyons donc, mais ils vont y aller dans la démagogie. Ça sera plus gratuit, ça va être la révolution, les fonctionnaires vont tous descendre dans la rue, ça va être une crise sociale, le printemps étudiant, vous avez rien vu, ça va être 100 fois pire avec Pouliot. Les Québécois auront-ils le courage de dire, on vote pour lui pareil, on va l'essayer? Oui, pendant ce temps-là, Mme Marois va dire, avec moi, tout va bien aller. Elle va faire comme ce qu'elle a fait à la dernière campagne. Je vais abolir ci, elle le fera pas, c'est pas grave. Je vais abolir ça, ça va aller mieux. Elle le fera pas, elle va reculer, mais c'est pas grave. Elle va nous jouer de la flûte, elle va nous endormir, elle va... Qu'est-ce qu'on a de besoin, hein? Tu sais, quand ça va mal, je suis en train de lire un roman dans lequel on dit qu'un patient en phase terminale, quand ça va vraiment plus bien, là, tout ce qu'il y a de besoin, c'est que quelqu'un il dise, m'a donné tes petites pilules, ton petit verre d'eau, endors-toi, je vais être là demain, m'a tenir par la main, ça va bien aller. Dans le fond de lui, il sait qu'il va mourir, mais il veut plus savoir. Est-ce que le Québec, en termes de nation, de peuple, est rendu comme un patient en phase terminale? Tout ce qu'on veut, c'est se faire tenir la main, petite pilule, dormir, être là, se réveiller, se faire chanter des belles chansons. Ça ne tombe plus, là. Est-ce qu'il nous reste un peu de courage pour se lever? Se battre. Aller à peut-être bien aller se faire opérer parce qu'on en a besoin, mais se battre, on a tout ça encore en nous, ou à force de tu sais, ça fait tellement d'années que le gouvernement contrôle nos vies, on a tout ça encore le goût de la liberté? Comme un prisonnier, vous savez qu'il y a des prisonniers qui, une fois qu'ils sortent, ils veulent leur retourner en dedans. Êtes-vous au courant de ça? Tu sais, José, de quoi je parle? Le gars, ça fait 20 ans qu'il est en dedans. Ses repas, c'est contrôlé. C'est pas bon, il mange de la merde, mais il s'en fout. Il en a 3 par jour. On y dit quand elle se lever, aller se laver, puis il est au chaud. Puis il arrive dehors, il capote. Il y a des prisonniers qui capotent. Que c'est ça, la liberté? Il faut que je décide. Il faut que je fasse des choix. Il faut que... non! Ramenez-moi dedans! On est rendu où? Les Québécois sont-ils des prisonniers? Je sais pas. On est-tu comme des condamnés à mort ou des condamnés en dedans? Où il nous reste encore assez de fierté, d'honneur puis de courage pour dire, on se bat. Redonnez-nous le pouvoir. On veut notre liberté. J'en doute encore. 8h56.